Il y a toujours cette brume qui reste collée à la vallée. Rien ne l'éparpille, rien ne l'affaiblit. Le vent ne souffle pas assez fort. Il est incapable, tout est devenu incapable. Il y a toujours cette brume qui cache les maîtres à venir, qui nous fait avancer à tâtons, scruter au-delà de notre possibilité de regard. Nous sommes incapables, tous les, n'est-ce pas? Il y a toujours cette brume qui se respire et prend toutes les formes, qui s'infiltre et se répand dans les ventres. Je me sens vulnérable, parfois vacillant. Je suis incapable comme tout autour de moi. Il y a toujours cette brume qui roule et s'anime dans tes yeux. Des fois j'ai l'impression que tu ne me vois pas, que je n'existe plus, léché par la brume. Tu es incapable, ton amour aussi. Incapable de trouver du goût ou de le garder en bouche, nous sommes incapables de traverser la brume sans y laisser des plumes. Je suis incapable de disperser la brume. Quand je la bouscule sur ton corps, elle tourne et revient à sa place, comme attirée, comme aimantée. On s'en débarrasse pas, on est bien incapable. Il y a toujours cette brume qui te fait disparaître. Je crois te toucher, au bout de mon bras, ma main se perd. Elle est bien incapable. Il y a toujours cette brume qui s'élève bien au-delà de nos têtes. Notre champ de vision est limité. On est écrasé au sol, de tous côtés. Incapable de s'ouvrir. Il y a toujours cette brume qui reste collée à la vallée, rien ne l'éparpille, rien ne l'affaiblit, le vent ne souffle pas assez fort. Il est incapable, tout est devenu incapable.